taper sur vos casseroles. Et si vous en avez marre, c'est l'heure du tintamarre. Nous ne sommes pas des casseurs, on fait juste un cri du cœur. Répondez à l'appel, sortez avec votre vaisselle. Yeah. On écoutait Damien Robitaille qui a sorti une chanson cette semaine, ça l'a inspiré sur les casseroles. La percussion s'inspire toujours. Bonjour Patrick Gauthier. Bonjour Julie. Alors encore une fois, une grosse semaine chargée. Oui, une grosse semaine chargée, mais il me semble que de semaine en semaine, on revient toujours sur les mêmes sujets, c'est juste que ça continue, ça s'amplifie. Oui, mais là, ça a pris une autre tournure, parce que là, c'est pas juste les étudiants, là. Effectivement. On a vu des gens de tout âge sortir. D'ailleurs, hier soir, au Carré Royal, il y avait à peu près 60 manifestants avec leurs casseroles. Donc, à un moment donné, là, ça s'est étendu, ce conflit-là. C'est plus un conflit étudiant. Et de là, je me demande, écoute, c'est bien parce que c'est un mouvement de masse, Richard Martineau m'a volé un peu mon punch ce matin en disant « ça rappelle le flash des lumières de Jean-Marc Parent hein? ». Tout le monde veut se réunir, on dirait qu'on veut tous être ensemble. Ce qui m'embête, c'est qu'il me semble qu'on a perdu le message. Oui, oui, parce que m'a dire, hier, j'étais sur la rue Saint-Laurent, j'étais pas avec ma casserole, là, okay. Mais j'étais là pour un événement et il y avait du monde qui tapait sur leur casserole, puis il y avait bien du plaisir, puis tu sentais que... Tu sais, dans le fond, il était juste là pour le fun. Ben, c'est ça. Et je me dis, bon, écoute, tant mieux si ça peut amener un mouvement de masse où des citoyens se sensibilisent à quelque chose. Mais quand je lisais un ami sur Facebook qui disait, hey, ces gens-là, c'est des gens qui vont être motivés à aller voter, je suis pas certain. Je suis pas certain que c'est un mouvement face à la politique et non pas juste un mouvement de on s'unit tous ensemble. Mm-hmm. Je le vois pas à 100% comme étant un mouvement de protestation. Oui, il y a une question de solidarité là-dedans. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti de nos chaumières, puis tu sais, on s'est pas senti aussi unis. C'est un prétexte en ce moment. Ben, là, c'est ce que je pense aussi. Je lisais un sondage ce matin où les gens sont encore majoritairement contre un dégel des frais de scolarité. Et pourtant, il y a des gens qui manifestent avec leur casserole. Donc, demain matin, le gouvernement dit on met un moratoire, on gèle les frais de scolarité. Pas sûr que ça va s'ajuster face au mouvement des casseroles qui se répand présentement. Donc, quelle est la vraie position des gens qui manifestent? Je t'avoue que j'ai pas la réponse. Oui, effectivement, moi non plus, je n'ai pas la réponse. Ce que je trouve, par exemple, c'est que le débat est extrêmement polarisé sur les médias sociaux. Ouais. Et hier, j'ai tenté l'expérience, j'ai dit, tiens, sur Facebook, je vais... Moi, regarde, je suis contre la loi 78, mais je ne l'ai pas dit, OK, dans mon Facebook. Okay. Et là, j'ai dit... Tu ne dis pas en onde non plus, là. Ben non, je ne dis pas en onde, okay. bien sûr, c'est je ce le cache, compris. OK, sous toute réserve. Mais là, ce qui arrive, c'est que j'ai dit, tiens, il m'a lancé un débat sur Facebook et j'ai dit, je suis curieuse de savoir quel pourcentage de gens qui sont sortis avec leur casserole dans la rue, des gens qui étaient en âge de voter, bien sûr, quel pourcentage a réellement voté aux dernières élections. Et là, on parle d'amis Facebook qui me répondaient, mm-hmm. Et puis finalement, ça a fait, écoute, je me suis dit, une chance, j'ai pas lancé ça sur Twitter, parce qu'on était en train de me fustiger sur la place publique. Puis là, on m'a même répondu, « Et toi, Julie, as-tu voté à toutes les élections depuis que tu as 18 ans? » Puis là, j'étais pas mal fière de répondre que oui, j'avais voté à toutes les élections municipales, provinciales, fédérales. Parce que dans ma famille, on m'a éduquée à ça, tu sais. C'est une responsabilité citoyenne. Puis pour moi, l'affaire, c'est que je trouve ça super qu'il y ait des gens qui se mobilisent en ce moment, qui sont engagés. Ça, je trouve que c'est le côté positif de la chose. Vous en avez ras-le-bol, OK, parfait, c'est correct que vous le disiez. Mais par contre, quand vous chialez et que vous n'êtes pas allé voter aux dernières élections, moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Écoute, dernièrement, j'ai commencé à démarrer un groupe où j'ai dit, c'est beau, trouvons maintenant l'alternative. Hein? C'est beau de protester contre le gouvernement Charest, là, mais soyons honnêtes, je suis pas sûr que le gouvernement du Parti québécois a nécessairement toutes les solutions. Là. Mm-hmm. Depuis 30 ans, puis 40 ans, même maintenant, c'est du blanc bonnet, bonnet blanc entre les deux. Ouais. On va faire quoi? On a une élection demain matin. Là. Quel parti nous présente la solution? Présentement, il y a 20 partis enregistrés au directeur général des élections. C'est quoi la position de ces partis-là? Il y en a quelques-uns qui ne prendront pas le pouvoir, qui ne sont pas en position de le faire demain matin. Mais j'ai envie de questionner ces 20 partis-là. Fait que j'ai parti par mon blog de discussion l'idée de dire parfait, on se réunit, on prépare un questionnaire ensemble qu'on envoie à ces partis-là pour voir leur position, mais pas juste face aux étudiants, face aux différents débats de société qu'on a. Et là, oups, c'est drôle, il n'y a pas eu eu 5-6 personnes qui ont dit ah oui, c'est une bonne idée, mais quand vient le temps de trouver une alternative, c'est drôle, on est moins motivé. Critiquer ce qui est là, ça, on est bon pour ça. Hey, c'est un très bon Québec. C'est des écœurants. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les remplacer? Oh, ben là, on va voir, il y en a un qui va se présenter. Mais ceci dit, je suis très contente que les casseroles aient remplacé les casseurs. Hein? Oui, c'est sûr qu'un pour l'autre. si vous cherchez un projet business, là, c'est peut-être le temps de vous lancer dans la fabrication de cuillères de bois parce qu'il y en a pas mal de cassés. On va aller en musique, Patrick. On...